Marianne Denicourt lit Monsieur Proust, de Céleste Albaret. Il y a eu un matin extraordinaire. Enfin, un matin pour nous, donc un après-midi. Il était environ 4 heures lorsque Monsieur Proust a sonné. J'ai tout de suite remarqué qu'il n'avait pas fait de fumigation en se réveillant. Il avait l'air très fatigué, mais il souriait en me regardant venir. Tout de suite, j'ai été frappée par la lumière de son expression. Comme j'arrivais près du lit, il a tourné un peu la tête vers moi et il a parlé. Depuis que je vivais près de lui, c'est la première fois qu'il me parlait en se réveillant avant sa tasse de café. « Bonjour Céleste. Vous savez qu'il est arrivé une grande chose cette nuit. »« Quoi donc ?»« Devinez. » Monsieur, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Je ne peux pas deviner. L'air tout heureux et rajeuni, il jubilait comme un enfant qui a fait un bon tour. Eh bien, Céleste, je vais vous le dire, c'est une grande nouvelle. Cette nuit, j'ai mis le mot fin. Et il a ajouté, toujours avec son sourire et cette lumière dans le regard, « Maintenant, je peux mourir. » Toute cette fin reste pour moi un cauchemar. Un soir, après une entrevue tumultueuse avec son frère qui venait le soigner, il me dit « Céleste, c'est affreux de penser que les médecins peuvent tourmenter un malade en lui faisant des piqûres. Et pourquoi ? Pour le prolonger, pour gagner 10 minutes, une demi-journée peut-être de vie misérable. Céleste, promettez-moi que jamais vous ne permettrez qu'on me fasse de piqûres. Et monsieur, qu'est-ce que je suis ? Rien. Vous savez bien que si le médecin vient, c'est que vous l'avez demandé. » Tout ce que vous faites, c'est vous qui le décidez. Et si le médecin veut vous faire une piqûre et que vous vous y opposiez, qui pourrait vous forcer ? Mais je vous le promets, monsieur. J'étais probablement la seule à penser encore qu'il se rétablirait. Ce n'était pas que je refusais l'idée de sa mort. Tout simplement, elle ne m'effleurait pas. Un soir, il était peut-être 11h30 minuit, il m'a dit « Vous allez vous installer là, sur le fauteuil. Nous allons bien travailler tous les deux. » Si je passe cette nuit, je prouverai aux médecins que je suis plus fort qu'eux. Mais, il me dit comme ça avec son doigt levé, il faut que je passe cette nuit. Est-ce que je passerai cette nuit ? J'en suis sûre, monsieur. Je me suis installée et je ne l'ai plus quittée que pour de très brefs instants. Nous avons d'abord parlé un peu, ensuite il s'est remis aux corrections et aux ajouts. Il a commencé par travailler en me dictant jusqu'à 2 heures du matin environ. Je crois que cela me fatigue plus de dicter que d'écrire à cause de la respiration. Il a pris son porte-plume et il a continué seul pendant plus d'une heure. L'image des aiguilles sur le cadran de sa montre est restée gravée dans mes yeux à l'heure où il a cessé d'écrire. Il était exactement 3h30 du matin. Je suis trop fatiguée. On arrête, Céleste. Je n'en peux plus. Mais restez là. Écoutez-moi bien. N'oubliez pas de coller ces papiers et de les mettre à telle page. Vous le ferez bien, Céleste. Vous n'oublierez pas. Mais non, monsieur, soyez tranquille. Je crois que je vais rester seule un moment. Il devait être 10 heures du matin quand le docteur Bise est arrivé. Docteur, je vous en prie, sauvez-le. Il s'est encore affaibli. Faites-lui une piqûre. Vous savez bien qu'il ne veut pas. Docteur, il n'a plus de résistance. Il faut absolument que vous le souteniez et que vous le remontiez. Nous sommes passés dans la chambre et j'ai menti. Monsieur le docteur est venu parce qu'il passait dans le quartier et qu'il voulait prendre de vos nouvelles. J'ai pensé que vous seriez content qu'il vous fasse une visite et je me suis autorisée à l'amener jusqu'ici. Monsieur Proust n'a pas répondu. Il s'est contenté de me fixer, simplement pour que je voie bien, une fois de plus, qu'on ne pouvait pas lui mentir. Le docteur Bise a préparé la piqûre. Je pouvais voir qu'il n'était pas à son aise. Je lui ai demandé où il allait planter l'aiguille. À la cuisse. Je vais soulever le drap, docteur. Nous nous sommes avancés tous les deux. J'ai soulevé le drap doucement, en prenant toutes les précautions pour ne pas heurter la pudeur de Monsieur Proust. Il était couché sur le bord du lit. Son bras pendait, un peu enflé. La circulation ne se faisait plus. Maintenant, je comprends. Nous nous sommes avancés tous les deux. J'ai soulevé le drap, doucement, en prenant toutes les précautions pour ne pas heurter la pudeur de M. Proust. Il était couché sur le bord du lit. Son bras pendait, un peu enflé. La circulation ne se faisait plus, maintenant je comprends. J'ai ramené ce bras dans le lit. Je tenais le drap, le docteur s'est penché. Ce qui s'est passé ensuite est inscrit en moi pour toujours. Monsieur Proust a sorti l'autre bras, et ses doigts ont saisi la peau de mon poignet et pincé en tournant. Jamais je ne pourrai chasser ce cri de mes oreilles. Il a dit « Ah, Céleste !» Ah, Céleste! Et dans ce cri, j'entends pour toujours qu'il me dit que je le trahis. J'en ai d'autant plus de remords qu'à ce stade, la piqûre était inutile. Le liquide n'a même pas circulé dans les veines. Presque aussitôt après, le frère de M. Proust est arrivé à son tour. Ils se sont consultés avec le docteur et ils ont décidé d'appeler le professeur Babinski, l'une des plus grandes autorités de l'époque. Les trois médecins ont conféré dans la chambre. Monsieur Proust entendait tout. J'étais là, je le voyais à ses yeux. J'ai accompagné le docteur Babinski jusqu'à la porte de l'appartement. « Monsieur le professeur, vous allez bien le tirer de là. » Il était très ému. Il m'a pris les deux mains. « Madame, je sais tout ce que vous avez fait pour lui. Ayez du courage. C'est fini. » Je suis revenue dans la chambre et je me suis tenue à côté du professeur Robert Proust. Il n'y avait plus que nous deux. Monsieur Proust ne nous quittait pas des yeux. C'était atroce. Nous sommes restés environ 5 minutes. Puis tout à coup, le professeur s'est avancé et s'est penché doucement sur son frère. Il lui a fermé les paupières alors que ses yeux étaient toujours tournés vers nous. Il est mort ? « Oui, Céleste, c'est fini. » Il était 4h30. Voilà, c'est fini. Que dire d'autre? J'avais vécu dans un monde si merveilleux, auprès d'un homme unique, que je n'arrivais pas à me refaire aux banalités de la vie. Même les horaires normaux étaient un problème. Je ressemblais à un oiseau de nuit condamné tout à coup à ne plus vivre qu'au grand jour. Secrètement, je me réfugiais sans cesse dans le souvenir des nuits enchantées. Les années ont passé. Jamais il ne m'a abandonnée. C'était comme si dans la mort, il avait continué à me protéger. Je me suis retirée de plus en plus dans ma mémoire. Là, je vivais. C'était « Monsieur Proust » de Céleste Albaret. Extrait lu et choisi par Marianne Denicourt. Enregistrement, montage et mixage, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Souvenirs recueillis par Georges Belmont et publiés aux éditions Lafon. Thank you.